Les oiseaux, poème de Auguste Lacaussade, lu par Plume d'encre, pour audiocité.net. Enfants des airs, heureux oiseaux, lyres zélés, qui passaient si légers, si libres dans les champs, hôtes harmonieux des monts et des vallées, qui dépensaient vos jours dans la joie et les chants. Poète qui chantez en tout lieu, à toute heure, ignorant les soucis dont l'homme est agité, et qui le soir, dans les bois, trouvez une demeure, et dans l'air le matin, trouvez la liberté. Rivaux heureux, rivaux aux chansons éternelles, oh que je vous porte en vie en vous suivant des yeux. Quand la terre a blessé vos pieds, ouvrant les ailes, vous pouvez fuir du moins, et monter vers les cieux. Vous prodiguant les biens dont la nature est pleine, le sort vous livre tout sans lutte et sans combat. Sans suspendre vos champs, vous trouvez dans la plaine l'eau claire et l'épi mûr que nous n'y trouvons pas. Le ciel qui vous sourit est pour nous bien austère. Il a courbé nos jours sous un bien lourd fardeau. Pour rafraîchir les fronts que la pensée altère, les rameaux n'ont point d'ombre, et les fleurs n'ont point d'eau. Chanteurs favorisés, aux voix pleines de charme, oui, la terre vous aime, oui, le sort vous est doux. Bénissez donc le ciel, oiseaux, gosiers sans larmes, bénissez-le pour vous, et priez-le pour nous. Priez Dieu qu'il nous fasse, après les jours contraires, et des cieux plus cléments, et des soleils meilleurs. Priez Dieu pour qu'il donne aux poètes, vos frères, un épi dans la plaine et de l'eau dans les fleurs.